Il est midi 55 minutes. Mireille Kanyang. Albert Ndouaïo assure la mise en onde. Nous sommes mardi 29 septembre. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Le 29 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée du cœur. La Société burundaise de cardiologie appelle les Burundais à une hygiène alimentaire. Plus de précisions en début de ce journal. Les visiteurs du musée de Gitega ont diminué cette année comparativement aux années antérieures, explique le conservateur de ce musée, et c'est suite au Covid-19. Dans cette édition, on parlera des difficultés d'approvisionnement en semences de maïs hybride en province Ngozi. Et vous aurez la chronique santé sur la poliomyélite avec le docteur Théodore Niongabo, interniste et infectiologue en international aux États-Unis. La Une, c'est ce premier débat télévisé ce mardi de la campagne électorale entre le président Donald Trump et Joe Biden. Vous l'entendrez dans cette édition mise en œuvre par Albert Ndouaïo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, page santé pour débuter cette édition. Les maladies cardiovasculaires sont une évidence au Burundi, même si les statistiques des malades ne sont pas disponibles. Le président de la Société burundaise de cardiologie le dit au moment où le monde célèbre le 29 septembre de chaque année la journée mondiale du cœur. Docteur Constantin Nyamuzangura appelle les Burundais à observer une hygiène alimentaire pour se prévenir contre des maladies du cœur. Suivez-le au micro de Moïse Misago. Au Burundi, malheureusement, nous n'avons pas de statistiques au niveau national, mais les petites études et des campagnes de dépistage déjà réalisées montrent que ces maladies ont une grande ampleur au niveau national. À titre d'exemple, durant cette même journée l'année passée, la Société burundaise de cardiologie, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'OMS, avait organisé une campagne de dépistage à l'intérieur du pays à Kalousie justement, et on s'était rendu compte que presque 50% des 600 personnes dépistées avaient l'hypertension artérielle, pour montrer l'ampleur de cette maladie à l'échelle du pays. Mais bientôt, au début de l'année qui va à venir, en 2021, il y aura une enquête STEPS qui va couvrir tout le pays et qui va nous donner des statistiques en rapport avec l'ampleur de ces maladies au niveau national. Quand on est dans un pays comme le Burundi où il y a un plateau technique qui n'est pas complet en termes de prise en charge des complications des maladies cardiovasculaires, il est super important d'axer la lutte contre les maladies cardiovasculaires au niveau de la prévention. Qui dit prévention au niveau individuel, mais prévention au niveau communautaire également et au niveau des États. Et au niveau individuel, il est toujours recommandé d'adopter une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire une alimentation saine, riche en fruits et légumes, une activité physique régulière, la réduction du poids, de l'obésité, l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation d'alcool et surtout la réduction de la consommation de sel. Ces mesures sont des mesures qui peuvent prévenir contre la survenue de ces maladies. Ce cardiologue invite le gouvernement burundais, les acteurs de la santé, à la subvention des médicaments des maladies du cœur. Selon Dr Nyamuzangura, la cherté de ces médicaments a des conséquences. Suivez-le encore une fois. Le défi majeur, en effet, c'est que les médicaments pour les maladies cardiovasculaires restent assez inaccessibles à la majorité de la population, surtout burundaise, et j'interpelle tous les intervenants, notamment le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, en plaidoyer pour l'accès aux soins, l'accès à des médicaments moins chers et pourquoi pas à une subvention de médicaments comme cela est fait dans le cadre des maladies tropicales infectieuses comme le VIH et la tuberculose, parce que souvent les complications ou les cas d'abandon de traitement sont la conséquence d'un faible pouvoir d'achat ou alors d'une impossibilité à accéder au traitement pour ces maladies. Docteur Constantin Nyamuzangura, président de la Société burundaise de cardiologie. Je vous l'annonçais en titre, les visiteurs du musée de Gitega ont sensiblement diminué cette année comparativement aux années antérieures suite au Covid-19. Ceci est dit par le conservateur du musée national de Gitega, Pascal Ndeisenga, indique que cette situation est à l'origine du manque de moyens de fonctionnement à ce musée. On l'écoute au micro de notre confrère Arthur Kavabushi. Avant la pandémie de Covid, 8 sur 10 des visiteurs que nous recevions ici, c'était des jeunes. 2019, on a eu 2669 visiteurs, dont 2044 jeunes. Bon, on a commencé à parler de Covid ici en Afrique, surtout au début de l'an 2020, c'est-à-dire au mois de janvier-mars, le Covid faisait rage partout en Afrique. Cela a fait que les visites des étrangers a cessé définitivement. Et si nous regardons les statistiques de l'année budgétaire, juillet 2019, 30 juillet 2020, nous avons pu avoir 1598 visiteurs, dont 1086 jeunes nationaux. Même si le Covid a eu des impacts négatifs sur notre économie, quand même les gens ont continué à venir ici. Quelque chose a changé parce que au mois de juin, nous recevions d'habitude, d'ordinaire, 600, 500, 400, combien. Mais cette fois-ci, on a eu 220. Le musée national de Gitega ne reçoit pas de subsides. Il utilise les recettes qu'il reçoit ici, soit pour l'entretien. Nous n'avons pas eu l'argent pour collecter les objets ethnographiques. S'il y a l'un ou l'autre objet qui s'amène devant la porte, on l'achetait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que quelque chose a changé. Isanganiro. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page Agriculture grogne des agriculteurs d'Ngozi de la province Ngozi qui s'approvisionne en semences de maïs hybride au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage suite à la mauvaise qualité, disent-ils, des semences reçues. Semences pourries, selon eux, ces habitants craignent la non-germination et par conséquent une mauvaise récolte. Moïse Bizimana, chargé du suivi évaluation au bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage Ngozi, conseille la flottaison permettant de récupérer de bonnes graines à semer, indiquant que celles de mauvaise qualité sont en quantité insignifiante, le point avec Apollinaire Mouzagal de Pungozi. Selon ces agriculteurs, le paiement de ces semences se fait à la poste à 3600 francs le kilo. Ils amènent après les bordereaux de versement au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage pour la réception de ces semences emballées dans deux sachets fermés de 2 kilos. C'est après être arrivé à la maison qu'ils constatent que ces semences sont pourries et ces cultivateurs craignent donc que ce maïs risque de ne pas pousser, parlant de pertes énormes si la germination de ces semences ne se fait pas. Le chargé du suivi évaluation au BPA Ngozi tranquillise que les semences de mauvaise qualité sont insignifiantes. Moïse Bizimana conseille plutôt la flottaison en vue de récupérer et jeter les semences pourries. Ses habitants sont également appelés à mettre ces semences dans l'eau toute la nuit avant le semis. Cela permet, selon lui, une bonne et rapide germination. Quant à la couleur verte de son maïs, Moïse Bizimana tranquillise que ça ne cause aucun problème. Ce sont des produits dits stabilisants permettant une bonne conservation de ces semences, explique-t-il. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Sanganil. Page éducation à présent, le programme d'apprentissage des élèves à problèmes auditifs devrait tenir compte des catégories des apprenants, les sourds-muets, y compris ceux des enseignants de l'école Efata des sourds situés en zone urbaine de Gihosha, qui déplore les difficultés éprouvées pour enseigner les élèves vivant avec cet handicap. Zabulon Nkurunziza, préfet des études à cette école, fait savoir que le problème est centré sur le programme qui n'est pas adapté à cette catégorie d'apprenants. Le point avec Omer Ndouayo. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Ces écoliers qui apprennent le parler du mot papa ont une déficience auditive et ont un problème de prononciation. Ils étudient à l'école fondamentale Efata de Gihosha, appropriée aux enfants de cet handicap. Cette école compte 135 élèves cette année, y compris 80 filles. Les enseignants à la dite école évoquent le problème d'une lente transmission des connaissances à ses élèves comme défi majeur. Quand nous enseignons ces enfants ayant tel handicap de son muet, nous éprouvons beaucoup de difficultés parce que nous prenons beaucoup de temps pour préparer la leçon. En plus, lorsque nous les enseignons, la méthode utilisée est différente de celle des enfants normaux. Ici, l'explication d'une leçon se fasse lentement car il est nécessaire de les enseigner mot par mot. Les problèmes rencontrés, premièrement, le sourd muet n'entend pas. Or, il y a des informations importantes qu'ils peuvent trouver dans la radio. Par exemple, dans la cours de sciences humaines, il y a des informations qui appartiennent dans ce cours, alors que le sourd muet n'entend pas. Alors, ça me convient pour les aider à savoir des informations. Par exemple, dans le cours de l'histoire, ou bien dans le cours de géographie ou de civisme. Zabilon Nkurunziza, préfet des études à l'Efata, confirme que ce problème de transmission des connaissances existe à cette école. Selon lui, ce problème est lié au manque du programme adéquat à cette catégorie d'élèves. Le programme que nous avons ici, c'est le programme de tout le monde, les entendants. Ce sont ces enfants à déficience auditive qui s'adaptent. Mais la matière devait être adaptée aux enfants. Mais ce sont ces enfants qui s'adaptent au programme. Il interpelle le bureau chargé de l'élaboration des programmes à considérer aussi les élèves vivant avec le handicap lors de la révision des 10 programmes. Nous demandons à l'État de revoir comment organiser les programmes. S'il y a un changement, s'il y a une amélioration, il faut qu'ils appellent un spécialiste qui maîtrise ces enfants à déficience auditive. L'année scolaire passée, les élèves de l'école Efata ont réussi à un taux de 33% au test d'orientation au poste fondamental, dont une seule réussite parmi les 3 participants. Omer Ndouayo, le travail est le tremplin du développement à l'affirmation de certaines femmes de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura faisant le commerce du charbon. Grâce à ce commerce, explique-t-elle, c'est facile de nourrir la famille et scolariser les enfants. Cependant, ces femmes vendeuses de charbon déplorent la sous-estimation de ce travail par certaines femmes, arguant que ce dernier les rend sales et croise les bras. Le chef de zone Rubirizi, Bonaventure Nimbona, apprécie l'initiative de ces femmes du fait qu'elles contribuent au développement de leur foyer. Les détails avec Vestine Boutoy. Ce sont des femmes vendeuses du charbon en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura. Benigne Kaneza est l'une d'entre elles. Elle indique que pour démarrer avec son commerce, elle utilisait un petit capital et qu'actuellement, son capital s'est augmenté de sorte qu'il soit capable d'acheter tout un camion plein de charbon. Cette femme affirme que grâce à son commerce et sa famille, elle ne manque de rien. Je suis capable de nourrir mes enfants et payer les frais de leur cours du soir. Donc, je parviens à couvrir tous les besoins de mon foyer. Quant à Jeannette Nibigira, qui fait la même activité dans cette même localité, évoque qu'en cas de force majeure, elle aurait des facilités à accéder au crédit. Quand je n'ai plus de moyens, je peux contracter un crédit et on me l'accorde sans problème. Ou bien, je prends une partie du charbon pour préparer la nourriture. Ces deux femmes pensent que la présence d'un conjoint ne devrait pas mettre une femme dans un état de dépendance et déplorent néanmoins l'existence de certaines femmes sous-estimant le travail, prétextant que ça les rend sales. Souvent, il y a des femmes qui viennent acheter du charbon et qui mettent un sachet à notre disposition de peur qu'elles soient touchées par le charbon comme si elles ne vont pas l'utiliser pour la cuisson. On se demande pourquoi une telle femme se comporte de cette manière. Le chef de zone Rubirizi, Bonaventure Nimbona, salue l'initiative de ces femmes et précise que, mis à part leur contribution dans le développement familial, elles aident la communauté locale à réduire la distance parcourue étant à la recherche du charbon. Franchement, je salue l'initiative de ces femmes vendeuses du charbon parce qu'ici, en zone Rubirizi, il y a beaucoup de gens qui utilisent le charbon pour la cuisson. Et si ce produit n'est pas disponible, ce sera un problème sérieux car ces gens seront obligés de se rendre ailleurs, par exemple au marché d'Okinama, pour le chercher. Bonaventure Nimbon appelle toutes les femmes à s'atteler aux activités génératrices de revenus, étant donné que le travail anoblit l'homme. Radio Isanganiro, chronique santé. Les campagnes de vaccination ont été les moyens efficaces d'éradiquer la poliomyélite dans plusieurs pays, compris le Burundi. Docteur Théodore Niongabo, interniste et infectiologue, également président du Comité national des experts du polio au Burundi, signale toutefois que l'éradication est possible lorsque la maladie est strictement humaine. Malgré cela, ce spécialiste conseille les parents à toujours respecter le calendrier vaccinal contre la poliomyélite. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Ornella Lamouche. Pour qu'une maladie soit éradicable, comme le cas de la poliomyélite, elle doit être une maladie infectieuse, transmissible, strictement humaine. Docteur Théodore Niongabo, interniste infectiologue, également président du Comité national des experts de la poliomyélite au Burundi, ajoute que le virus de la poliomyélite ne résiste pas dans le milieu extérieur. Il signale toutefois que la vaccination a été et est toujours le moyen efficace d'éradiquer la maladie. Selon toujours lui, le dernier cas a été enregistré en 2009 au Burundi. Les facteurs de réussite sont des campagnes de vaccination réussies. Ce sont des politiques fortes qui ont été définies par les États. Ce sont les moyens qui ont été mis dedans. Ils ont mis les États, l'OMS, le CDC, l'UNICEF ont mis beaucoup d'argent. Et c'est aussi cette surveillance qui a été régulière, qui est fait jour le jour à travers les pays qui ont permis, tous ces éléments-là ont permis finalement que ces résultats soient obtenus. Ce sont les États qui définissent les politiques vaccinales, ce sont les États qui mettent en place les programmes de vaccination, qui mettent du personnel, qui font vacciner la population. Donc on dit que finalement le rôle de l'État est central. Sans l'État, il ne peut pas y avoir de programme de réussite d'une vaccination. En absence de la transmission interhumaine et d'aucun cas après un temps raisonnable, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, peut déclarer que la maladie a été éradiquée. Les critères sont très simples, c'est l'absence de transmission interhumaine et c'est l'absence d'aucun cas après un temps raisonnablement raisonnable. Il faut faire attention parce qu'on peut dire qu'on n'a pas de cas parce qu'on n'a pas de surveillance efficace. Donc les critères d'éradication supposent la détection des cas de maladie, supposent également une surveillance correcte. Si on ne peut pas surveiller correctement les populations, on ne peut pas dire qu'il y a eu éradication alors qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces populations. Donc le caractère d'éradication suppose qu'il y ait zéro cas, suppose que la surveillance est correcte et suppose qu'on a un recul en termes de temps suffisant. Je vous ai dit qu'il y a des formes qui sont asymptomatiques. Ces formes-là peuvent commencer, continuer à circuler. C'est pourquoi, par exemple, je vais vous donner le cas, c'est le polio, la polio type 2. Le dernier cas qui a circulé, c'était en 1999. Et la polio, la poliomyélite type 2 a été considérée par l'OMS comme éradiquée dans le monde en 2015, c'est-à-dire près de 15 ans plus tard. Parce qu'on s'est assuré effectivement qu'en prenant les 15 dernières années, il n'y avait eu aucun cas nouveau de polio de type 2. Selon toujours lui, c'est rare que la maladie éradiquée peut réapparaître. Logiquement, une maladie éradiquée, si les critères d'éradication ont été corrects, ne peut pas réapparaître. L'OMS insiste beaucoup, c'est les laboratoires qui ont des souches, qui ont gardé des souches dans leur laboratoire, qui peuvent être des sources de contamination. D'où cette insistance à ce que les laboratoires fassent un contrôle strict des virus qu'ils ont gardés pour des raisons de recherche. C'est en 1988 que la 40e Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution visant à l'éradication de la poliomyélite dans le monde et le nombre de cas a baissé de plus de 99%. L'Afghanistan et le Pakistan sont les seuls pays où s'observe la maladie. En international, avant de clore cette édition, le président américain Donald Trump fait face ce mardi soir au candidat à la présidentielle Joe Biden à l'occasion du premier débat télévisé de la campagne électorale américaine. Deux candidats, deux conceptions très différentes de la politique étrangère, écrit la RFI, et notamment de la place que l'Afrique doit occuper dans la diplomatie américaine. Jeffrey Hawkins, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, oppose ce qu'il qualifie d'abandon de l'Afrique par l'administration Trump à la volonté de coopération de l'équipe Biden. Voilà, à 13h15 dans le studio de la radio Sanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.